En 1913, Soutine immigra à Paris, où il travailla avec un groupe d'artistes très soudés dans le quartier de Montparnasse. Au contact de son ami Amedeo Modigliani, Soutine développa un style de peinture radical, animé et expressif. Il l'appliqua à un grand nombre de sujets, portraits, natures mortes et paysages, comme celui-ci qui représente une gorge étroite dans les collines près de Céret.